Il est 18h, de retour à Futur Simple sur CKRL au 89.1. Et nous allons poursuivre l'émission sur le thème des ondes. Mais les ondes, ce ne sont pas seulement les ondes électromagnétiques, c'est aussi une façon poétique de parler de l'eau. On va donc parler de l'eau, mais là s'arrête la poésie, car on va s'intéresser à la production d'eau potable. Et je doute que cela soit très poétique. Enfin, on va voir. Donc on va voir ça avec notre invité. Et notre invité, c'est Jean Sérode. Il est professeur émérite à l'Université Laval. Il a aussi été titulaire de la chaire de recherche sur l'eau potable Université Laval, Ville de Québec. Et il a écrit d'ailleurs un livre dernièrement qui s'appelle « Les 101 questions sur l'eau » où naturellement il aborde grandement le sujet. Bref, l'eau potable, il connaît bien. Bonjour Monsieur Sérode. Bonjour. Alors, je vais peut-être commencer par le début parce que bon, on parle d'eau potable, on ouvre le robinet, mais en réalité, ça sort de quelque part dans la nature. L'eau arrive à notre robinet, l'eau sale repart dans une station de traitement des eaux usées, et ça repart dans la nature. Donc j'aimerais que vous éclaircissiez un petit peu ce circuit urbain de l'eau. Alors effectivement, l'eau parcourt beaucoup de distance et aussi parcourt beaucoup d'étapes. Alors partons du début, on prend de l'eau dans un lac ou dans une rivière, on la traite, on la rend ainsi potable, et ensuite on la distribue dans un système de canalisation, d'aqueduc, mm-hmm. comme on dit. Et évidemment, l'eau également qu'on a utilisée, eh bien on l'a souillée et elle retourne à partir de la maison, elle retourne dans un autre système de tuyaux qui sont les tuyaux d'égout. Et là, elle s'en va vers l'usine d'épuration. Mm-hmm. Alors, il faut faire attention de ne pas confondre ces deux usines-là. Toutes les deux traitent de l'eau. La première traite de l'eau pour la rendre potable, alors que la deuxième traite l'eau pour y enlever la plupart des souillures, de façon à la restituer dans le milieu de façon acceptable. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de la première usine de traitement, donc celle qui prend l'eau naturelle et qui la rend potable, c'est qu'on l'appelle très très souvent, dans le langage commun, on l'appelle l'usine de filtration. Oui. Et ce nom-là lui vient du fait que c'est une des étapes clés, effectivement, de l'ensemble du traitement, de la mm-hmm. chaîne de traitement. Il y a d'autres étapes, mais cette étape-là, la filtration, a marqué en quelque sorte le traitement. Et c'est pour ça que dans le langage commun, on appelle ça usine de filtration. D'accord. Donc ça, c'est production d'eau potable. Ouais, production d'eau potable. Mais au fait, production d'eau potable, ça remonte à quand qu'on traite l'eau potable? Parce qu'avant, on prenait l'eau dans la rivière et on la buvait il y a très longtemps. Maintenant, on met tout un tas de précautions pour avoir de l'eau potable. Donc ça, comment ça s'est installé, ce système? Voilà, alors de tout temps, on sait que les humains se sont installés près d'une source d'eau, une rivière, un lac, une source, peu importe, parce que l'eau est absolument nécessaire non seulement à la vie, mais aussi à plusieurs activités de la vie quotidienne. Et le problème, c'est qu'en même temps qu'on prenait l'eau donc près du cours d'eau où on s'était installé, eh bien on y rejetait nos propres déchets. Ce qui fait qu'il y a un peu une contradiction dans ces deux usages-là. Alors reportez-vous, mettons, un ou deux siècles d'aujourd'hui, début du 19e siècle, on ignorait même qu'il y avait des micro-organismes dans l'eau. Il a fallu attendre Pasteur pour savoir qu'il y avait des micro-organismes. Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, on pouvait attraper des maladies à partir de ces microbes qui étaient dans l'eau. Alors ça a été le premier constat, donc après Pasteur, fin du 19e. Et à peu près à la même époque, il y a des chimistes qui travaillaient dans une usine ou un laboratoire à Paris, sur les bords de la Seine, et qui se trouvaient à faire ce qu'on appelle de l'électrolyse, du sel. Et là, ils en sont arrivés à fabriquer un produit qui, en fait, avait un but de blanchiment des tissus et des choses comme ça. Et le quai sur lequel ils travaillaient à Paris, c'était le quai de Javel. Donc, c'est comme ça que ça s'est appelé l'eau de Javel. Intéressant. Et en fait, ça, je vous dis, ça servait au blanchiment des tissus, mais il y a eu une grave épidémie de choléra à Londres, à peu près à la même époque, et il y a un chimiste londonien qui a eu l'idée de dire, tiens, pourquoi on n'utiliserait pas ce produit-là pour essayer donc de détruire les fameux microbes qui transmettent le choléra? Et ça a été, je dirais, la découverte du siècle, parce que depuis, on continue à utiliser le chlore comme désinfectant. C'est encore le désinfectant le plus utilisé dans le monde. Et même si aujourd'hui, on a trouvé d'autres substituts, on l'utilise malgré tout encore. Donc, on peut dire que le chlore dont on pourrait parler... Le chlore, l'eau de Javel, parce que là, c'est la même, à peu près la même chose. Ouais. Là, c'est quelques détails chimiques, mais c'est la même chose. Et le chlore, dont parfois on entend les gens se plaindre en disant « Ah, mon eau goûte le chlore », bien, il faut quand même se dire une chose, c'est que, bon, d'abord, ce c'est pas dangereux. Puis deuxièmement, ça a sauvé des millions de vies. Alors, même si ça nous embarrasse un petit peu parfois, ben, c'est quand même supportable. C'est toujours fascinant de voir ses origines. C'est d'abord l'origine du nom, là, c'était le quai de Javel. Peut-être que ça s'appelait le quai de Javel, peut-être qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Javel, on ne sait pas. Puis de voir finalement qu'à l'origine, c'était pour du blanchiment de tissus, et qu'ensuite c'est arrivé pour... décontaminer, c'est ça. Donc, on va revenir à Québec maintenant, puis aussi peut-être à l'époque actuelle, aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, bon, ben, on, comme je disais, on ouvre le robinet, on a de l'eau potable, mais finalement, cette eau potable, elle vient d'où à Québec? Où sont les sources d'eau potable? Alors, Québec, si on prend la grande ville d'aujourd'hui, vous savez que c'est une ville qui est issue de la fusion de plusieurs municipalités. À l'origine, presque chacune d'elles avait sa propre source d'alimentation, parfois sa propre usine, ou se faisait alimenter par l'usine d'une ville voisine. Alors Québec a la particularité d'être situé à un endroit assez intéressant du fait qu'il y a des rivières importantes qui sont pas loin de la ville elle-même, si bien qu'il y a, si vous voulez, je dirais, quatre sources majeures dans la région de Québec. Il y a évidemment le fleuve Saint-Laurent. Alors, le fleuve Saint-Laurent, il va alimenter les gens de, je parle des anciennes villes, de Sainte-Foy et Cap-Rouge. Mm-hmm. Ensuite, il y a évidemment la rivière Saint-Charles et le lac qui est en tête de la rivière Saint-Charles, donc qui sert de réserve. La rivière Saint-Charles alimente donc la plus grande partie de l'ancienne ville de Québec. Et ensuite, du côté donc plus à l'est, eh bien, vous avez deux autres municipalités très importantes qui se sont fusionnées avec Québec, qui sont Charlebourg et Beauport. Mm-hmm. Et ces deux villes-là sont alimentées toutes les deux par la rivière Montmorency, en gros. Et d'ailleurs, elles viennent d'être dotées très récemment de deux usines parfaitement modernes et toutes neuves. Ben, rentrons donc dans ces usines. Donc là, on est dans une de ces deux usines. Je ne sais pas si elles fonctionnent pareil, mais comment donc on purifie cette eau de la rivière Saint-Charles ou de la rivière Montmorency, comment on transforme cette eau en eau potable? Alors, si je reviens sur les quatre grandes usines donc de la ville de Québec, les deux qui sont sur la rivière Montmorency, celle qui est à Loretteville, en fait, sur la rivière Saint-Charles, et celle qui est sur le Saint-Laurent, il y a des petites différences entre le mode de traitement, parce que ça dépend de l'époque où elles ont été construites. Cependant, on rentrera pas dans ces détails. Ce dont il faut se souvenir, c'est qu'il y a en gros quatre grandes étapes majeures dans un système de traitement pour rendre l'eau potable. Et ceci s'est imposé au cours des années parce que l'eau est de plus en plus, si vous voulez, souillée, polluée, donc il faut des traitements de plus en plus sophistiqués pour arriver à rendre l'eau potable. Alors il y a quatre grandes étapes et la première s'appelle la flocculation. C'est dans cette étape-là qu'on va ajouter un produit qui est un sel d'aluminium et ce produit-là va permettre de rassembler les matières en suspension qui rendent l'eau turbide, trouble, et vont permettre de les éliminer. Comment élimine-t-on ces particules qui ont été fabriquées par la flocculation? Bien, on les élimine dans les deux étapes suivantes. La deuxième va donc s'appeler la décantation. C'est là qu'on laisse par la gravité tomber les particules dans le fond, où elles s'éliminent donc en partie. Et la troisième, bien, c'est la fameuse filtration qui a donné son nom à ces usines-là. Arrivé là, l'eau est très claire, elle est très propre, mais elle n'est absolument pas encore absente. Non. De micro-organismes. Il peut y en avoir encore. La grande majorité a été enlevée, mais il peut y en avoir encore. Alors, c'est là qu'intervient une étape absolument incontournable. Et je dirais que s'il n'y en avait qu'une, ça devrait être celle-là. Malheureusement, nos eaux sont trop contaminées actuellement pour qu'on puisse le faire en une seule étape. Et donc, cette dernière étape, c'est la désinfection. Alors, la désinfection se fait, par définition, avec un produit qui, oui, va tuer les micro-organismes, mais fondamentalement, du point de vue chimique, on utilise un produit qui est un oxydant. Mm-hmm. Alors un oxydant, c'est un produit, si vous voulez, qui est suffisamment fort et puissant pour altérer d'autres composés. Et c'est comme ça que, par exemple, que ce soit le chlore ou l'ozone, vont altérer carrément la membrane des micro-organismes et vont les tuer de cette façon-là. Alors, ce sont les deux principaux désinfectants qui sont actuellement utilisés. c'est-à-dire l'ozone, qui est un peu plus récent que le chlore, puisque le chlore remonte donc à la fin du 19e siècle, et ensuite le chlore. Alors pourquoi je les mets toujours ensemble? C'est que même si l'ozone est actuellement le désinfectant le plus utilisé et celui qui est presque incontournable, eh bien il a un léger défaut, c'est qu'il est très très efficace dans l'usine, mais n'a plus aucun pouvoir quand l'eau sort de l'usine. Ah oui. Or, au moment où l'eau sort de l'usine, elle va franchir des kilomètres pendant des heures. Pendant tous ces kilomètres. Voilà, et pour se rendre chez vous. Et il faut qu'on s'assure que même rendue chez vous après plusieurs heures et plusieurs kilomètres, elle est encore tout à fait potable. Alors, c'est la raison pour laquelle on ajoute, même si on a fait la désinfection à l'ozone, on rajoute un peu de chlore, de sorte que le chlore puisse continuer à servir de désinfectant au cas où il y aurait une contamination ultérieure. Sur le chemin, oui. Ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver, notamment, par exemple, quand on est obligé d'ouvrir les conduites suite à un bris, une réparation. Alors, le chlore est donc indispensable. Et d'ailleurs, la réglementation québécoise impose que l'eau contienne une certaine quantité de chlore, pas très élevée, là, mais une certaine quantité de chlore à la sortie de l'usine. Ouais. Et de façon à ce qu'il y en ait jusqu'à votre robinet. Ouais, c'est ça, parce que donc le chlore a une action à plus long terme, là, alors que l'ozone a une action juste sur le moment. Voilà, le chlore, on appelle ça une action rémanente, c'est-à-dire qu'elle demeure. C'est ça, mais à ce moment-là, pourquoi pas faire le chlore? À quoi sert l'ozone finalement? Pourquoi pas se contenter du chlore? Alors, pendant très très longtemps, avant même que l'ozone, enfin, qui exige un procédé de fabrication qui est beaucoup plus onéreux, à la fois dans l'équipement qu'il faut acheter et puis dans ce qu'il faut payer pour produire l'ozone. Donc, autrefois, il n'y avait que le chlore. Et il y a encore des usines qui n'utilisent que le chlore. À ce moment-là, il sert de désinfectant primaire. Il fait le gros de la job pour tuer les micro-organismes. Et on s'arrange pour qu'il y en ait suffisamment pour qu'il fasse l'aspect secondaire que j'ai mentionné pour le système de distribution. Alors, pourquoi a-t-on maintenant, on privilégie de plus en plus l'ozone? C'est que l'ozone est l'oxydant, le désinfectant le plus puissant qu'on puisse trouver actuellement. Donc, non seulement il va détruire les micro-organismes, et là, il n'y en a pas un qui lui échappe, mais également, il y a aussi un effet de blanchiment, dans le sens que ça va aussi permettre de détruire certaines substances qui sont indésirables, par exemple des goûts qui proviendraient de sources diverses, dont par exemple les algues. Mm-hmm. Alors l'ozone a en plus cette propriété d'enlever les goûts et de détruire des choses que le chlore ne détruit pas. Ouais. D'accord. Et en plus, c'est le désinfectant, comme je vous dis, le plus puissant, et il n'y a rien qui lui résiste. D'accord. Et donc là, on produit de l'eau potable. J'imagine qu'il y a des tests qui sont faits dans les usines de filtration pour vérifier, je ne sais pas si le terme existe, la potabilité de l'eau. Il doit y avoir des tests pour vérifier qu'il n'y a plus de bactéries ou plus d'autres contaminants. Voilà. Alors donc, des tests, il y en a effectivement. C'est-à-dire qu'à l'usine même, les opérateurs, les techniciens font des tests pour s'assurer que tout fonctionne bien et que l'eau qui sort est tout à fait répond à toutes les normes. Mais comme vous le savez, donc après ça, il y a le système de canalisation, de distribution, l'aqueduc qui, je le répète, peut faire des kilomètres et des kilomètres. 2500 kilomètres, je crois, sur la ville de Québec. Je ne saurais pas le dire, mais écoutez, il y en a un par rue. Alors vous avez qu'à additionner toutes les rues, vous verrez que ça fait beaucoup de distance. Et parfois, il y a plusieurs heures, sans parler qu'il y a aussi des réservoirs de stockage. Elle stagne peut-être l'eau des fois dans ces... Elle va stagner un petit peu plus longtemps dans les réservoirs, mais pas nécessairement dans les conduites, à moins qu'elle soit extrêmement loin. Ouais. Alors là, il y a tout un... La ville a un système de contrôle de la qualité avec un certain nombre de points où sont faits des échantillonnages sur une fréquence très, très élevée. Et on mesure toute une panoplie de paramètres, dont évidemment des paramètres chimiques, mais surtout des paramètres microbiologiques, de façon à s'assurer qu'il n'y a pas de problème de contamination et que tout répond aux normes actuelles du règlement québécois. Ouais. Mais tout ça doit avoir un coût quand même. Bien sûr, ça a un coût, mais quand on regarde le coût finalement que coûte un litre d'eau qui sort de votre robinet, c'est dérisoire par rapport, par exemple, à ce que certaines personnes sont capables de payer pour acheter de l'eau en bouteille. Ouais. L'eau en bouteille, là, grosso modo, c'est à peu près 1000 fois, pour le même volume, c'est 1000 fois le prix de l'eau qui sort de votre robinet. Et vous avez, moi je dis toujours aux gens, mais écoutez, regardez votre compte de taxes. Ouais. Et généralement, dans le cas de la ville de Québec, c'est forfaitaire. Actuellement, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais je pense que c'est 109 dollars ou quelque chose comme ça pour une famille, pour une maison, pour toute l'année. Pour 4 personnes qui prennent 400 à 500 litres chacune par jour. Ouais, c'est ça. C'est gigantesque, c'est vraiment dérisoire. Mais en réalité, ça coûte plus cher que ça. Pas vraiment. Malheureusement, je pense qu'on le charge au prix coûtant. Ah oui? Ce qui a peut-être comme désavantage, mais là, on rentre dans une, dans une polémique, un petit peu, un potentiel de polémique, c'est qu'en chargeant au prix coûtant, évidemment, on ne valorise pas ce que représente l'eau qui coule à votre robinet, qui est saine et sûre, alors qu'en fait, elle coûte pratiquement rien. Donc, il n'y a pas d'intérêt à l'économiser. On va lui trouver toutes sortes de poux, comme on dit. On va lui trouver qu'elle a mauvais goût, qu'elle cire, que ça. Ouais. Alors qu'en fait, écoutez, c'est un produit qui est hyper contrôlé. Hein, il y a un règlement, il y a des municipalités qui font des tests continuellement. Il n'y a pas un produit de consommation courante, parce que ça n'est un, qui soit plus contrôlé que ça, qui est livré à domicile, qui est sûr et garanti, qui coûte quasiment rien. Vous m'en trouverez un autre, puis on s'en reparlera. D'accord. Mais pourtant, on vend des différents systèmes pour enlever le goût, pour purifier davantage l'eau de notre robinet. Donc, ça sert à quoi? Alors, effectivement, je le mentionnais tout à l'heure, le chlore, qui a des propriétés merveilleuses, comme je vous ai dit, qui a sauvé des millions de gens, a malheureusement l'inconvénient de réagir aussi avec certaines substances qui demeurent dans l'eau, qui ne sont pas du tout néfastes au départ, mais des substances qui demeurent dans l'eau, notamment des restes de... Vous savez, cette couleur légèrement jaune qu'a notre eau, due comme une infusion légère, finalement. Donc, le traitement en enlève la plus grande majorité, mais il en reste toujours un petit peu. Et malheureusement, le chlore va réagir avec cette substance-là. Donc, le chlore ne fait pas de distinction entre un micro à tuer, puis un peu de matière organique à réagir avec. Et va créer des substances secondaires qui, bon, parfois vont donner des goûts, ou bien maintenant on sait qu'il y en a certaines qui sont réglementées parce qu'on les suspecte de pouvoir possiblement, on ne sait pas, donner un cancer après 70 ans de consommation d'eau. Donc, ce sont des substances réglementées, donc qui sont à l'état infinitésimal, il n'y a pas de crainte à avoir avec ça, mais il y a une publicité qui est faite autour de ça, et il y a le fait que vous et moi sommes des... nous avons une sensibilité incroyable au goût de l'eau. Et il suffit qu'il y ait un peu de chlore pour que les gens disent « Oh, ça goûte le chimique !» Hein, dans le jargon commun. Ça goûte le chimique, dont c'est suspect. Ouais. Parce que là, on entend parler que le Saint-Laurent est pollué, puis il y a toutes sortes de choses, et donc ça ne doit pas être bon. Alors donc, il y en a qui se précipitent vers l'eau embouteillée, qui, bon, on n'ira pas qu'elle a bon goût. Oui. Mais comme je vous ai dit, elle coûte 1000 fois plus cher que l'autre. Ouais, ouais. Et il y en a d'autres qui, par contre, disent, ben moi, je vais me faire installer un système de traitement. Alors, quand on est en ville, je trouve ça très, très douteux de s'aventurer dans cette avenue-là, parce que ce n'est pas vraiment nécessaire. Par contre, quand on est à la campagne, là, c'est très différent. Donc, si vous êtes une maison isolée, que vous avez un puits... Dans la mesure où, après avoir fait des analyses, vous avez constaté que certains paramètres ne sont pas satisfaits, là, je comprends que quelqu'un s'achemine vers un traitement personnel, si je peux dire. Oui. Mais encore là, pour les gens qui s'aventurent dans cette direction, il y a quelques précautions à prendre. D'abord, il n'y a pas de traitement universel qui règle tous les problèmes. Mm-hmm. Il faut bien identifier le problème que l'on a. Mais ça, c'est là vous parlez en milieu plus rural. Là, je parle en milieu rural, parce que, comme je vous l'ai dit, en ville, c'est, ça sert à peu près à rien, si ce n'est de se payer un luxe probablement en grande partie inutile. Ouais. Mais là, je parle des maisons isolées, donc les gens à la campagne. Alors, eux, des fois, n'ont pas le choix. Alors, ils font faire une analyse, et là, ils s'aperçoivent qu'il y a tel ou tel paramètre qui leur pose des problèmes. Et là, évidemment, ils peuvent opter pour un traitement spécifique à l'enlèvement de la substance en question ou à régler le problème en question. Donc, il y a sur le marché 5 ou 6 types de traitements différents, mais ils ne sont pas interchangeables. Il y en a qui sont faits pour enlever quand on a une eau dure, il y en a d'autres qui sont faits pour enlever au contraire par exemple des nitrates, il y en a d'autres qui sont faits pour enlever des goûts, etc. Chacun a sa spécificité, mais ils ne sont pas interchangeables. Donc il faut d'abord faire une analyse pour savoir de quoi on a besoin et acheter en fonction de ça. Deuxièmement, il y a aussi le fait que, comme je vous dis, un traitement, ça fonctionne très très bien, mais il faut s'en occuper. Donc, on c'est pas quelque chose qu'on met en dessous de l'évier, puis on s'en occupe plus jamais. Il faut remplacer parfois. Il faut aussi s'assurer que la propreté, parce que ça devient un foyer aussi de prolifération de micro-organismes. Donc, c'est pas quelque chose sans risque. Quand on a dit, c'est un souci supplémentaire. Parfois, on n'a pas le choix, mais c'est un pensez-y bien avant de vous aventurer dans ça. Quand on habite en ville, si vous avez un problème, il y a le téléphone. Appelez la ville, ils vont envoyer un inspecteur qui va venir voir si c'est dû à vous, si c'est dû à la ville, à quoi c'est dû, à vos conduites, etc. etc. Donc en ville, on n'a pas vraiment de raison de faire ça. Et bon, il y a évidemment la question du goût. Alors il y a des gens qui s'achètent des petits pichets filtrants avec un filtre au charbon. C'est une solution qui est un bon intermédiaire, si vous voulez, qui est quand même beaucoup moins dispendieux que de l'eau en bouteille et qui fait bien le boulot. Ouais. Donc en ville, finalement, il y a des usines de filtration, là, je vais les appeler comme ça. Et puis, j'imagine que dans ces usines-là, il y a un entretien, un maintien des systèmes, un renouvellement des filtres, etc. Là, absolument. Il faut, parce qu'écoutez, l'usine, c'est véritablement, ça porte bien son nom, c'est une usine. Ouais. Rendez-vous compte, mettez ça à 400 ou 500 litres par personne par jour pour, par exemple, l'usine de Québec au Château d'Eau, à Loretteville, elle dessert à peu près 258 000 personnes. Mm-hmm. Donc, ça en fait de l'eau, il faut en sortir, c'est une véritable usine. Donc, c'est sûr qu'il faut un entretien permanent, constant, et puis ces usines-là, on a affaire quand même à une très grosse ville, donc ces usines-là sont à la fine pointe de la technologie. Mm-hmm. Les grosses villes, c'est rarement un problème, que ce soit en termes de modernité des équipements, ou que ce soit en termes d'entretien et de contrôle. Là où il peut y avoir des problèmes, pas nécessairement, mais où on pourrait anticiper qu'il y ait des problèmes, c'est dans les petites agglomérations. Ouais. Parce que là, généralement, elles n'ont pas les moyens soit de se payer un système sophistiqué, soit ce n'est pas justifié, soit elles n'ont pas les moyens de se payer les techniciens qu'il faudrait pour les opérer, etc. Bien que maintenant, la réglementation québécoise impose de ne pas embaucher n'importe qui. On a quand même une excellente eau, en règle générale, au Québec et dans les grandes villes, à plus forte raison. Eh ben, je crois qu'on est ravis de l'entendre. C'était fort éclairant ce que vous venez de nous raconter, là, du début de l'histoire jusqu'au développement technologique. Je dirais que pour poursuivre nos connaissances, pour approfondir ces connaissances sur l'eau, on peut toujours citer aussi votre livre que vous avez écrit cet automne, je crois. Il me semble que c'était cet automne qu'il est paru. C'est très récent. Donc, ça s'appelle 101 questions pratiques sur l'eau. Donc, vous trouvez, c'est sous forme de questions qui se suivent, mais qui peuvent aussi être prises de façon assez indépendante. Donc, vous trouverez toutes sortes de renseignements sur la production d'eau potable et d'autres choses sur l'eau, d'autres questions sur l'eau. Et c'est paru aux éditions Multimonde cet automne. Voilà. Et d'ailleurs, je faisais allusion tout à l'heure au fait qu'on pouvait faire un traitement maison. Bon, j'ai parlé d'un pichet au charbon, etc. Pour ceux qui auront ce livre entre les mains, vous verrez qu'il y a même un procédé, si je peux dire, qui va encore aller un peu plus loin et va permettre de faire durer votre pichet beaucoup plus longtemps que si vous passez de l'eau directement. Alors, je vous engage à aller le voir dans une des questions de ce livre. La réponse est dans le livre. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Sérode. Merci, je vous en prie.